besoin de mettre mon masque. J'ai sentiment de ne pas être à ma place. Je trouve comme une plante qui manque d'espace. Ça m'empêche de m'épanouir, ça commence même à me nuire. Au bout du compte, je suis dans une impasse. Réseaux sociaux, promo, plateau, sourire, photo, papier, journaux, télé, radio. Je me sens mal dans ma peau, comme si elle n'était pas à ma taille. Au départ, j'écrivais pour fuir mes problèmes. Au fil du temps, je me suis perdu, comme si je n'étais que l'ombre de moi-même. Je ne me reconnais plus. J'ai comme envie de tout plaquer, mais pour aller où, pour aller où? Partir avant que j'en plante un, avant que je devienne fou, car la musique je perds le goût, comme un mafé sans banane plantain. Le milieu est un monde de requins, elles se battent comme s'il ne devait en rester qu'un. Ils viennent te féliciter, sans mes mots font le penser, mais sachez que je n'en déteste aucun. De train en train, de ville en ville, l'envie s'éteint, l'envie se défile, c'est cool. Mais j'en perds le fil. Ma vie d'avant me manque. Au départ, j'écrivais pour fuir mes problèmes. Au fil du temps, je me suis perdu, comme si je n'étais que l'ombre de moi-même. Je ne me reconnais plus. J'ai comme envie de tout plaquer.